Le chef de la délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Lee Jong-hyun, directeur de l'Institut de réunification de la patrie, a prononcé le 4 courant un discours à la session plénière de la 136e Assemblée générale de l'Union parlementaire internationale. En voici le résumé. La République populaire démocratique de Corée est un État socialiste axé sur les masses populaires, régi par les idées du Juche, qui considère l'homme comme le plus précieux être, et c'est un monde privilégiant les masses populaires, où tout le peuple jouit de la dignité souveraine et du bien-être authentique sur un pied d'égalité. Mais les États-Unis et autres forces hostiles ayant pour politique d'État l'hostilité envers notre pays recourent à la sanction économique et aux exercices militaires pour étouffer notre République, et font tout pour éliminer la dignité et le bonheur de notre peuple. La nouvelle administration américaine doit voir correctement la position stratégique de notre République au premier rang des puissances nucléaires, ainsi que le courant de l'époque, afin de se conduire sagement. Elle doit tirer la leçon dans l'échec de la politique d'hostilité envers la Corée de l'administration d'Obama et se décider à changer la politique. Nous exprimons de la reconnaissance aux divers pays qui témoignent soutien et solidarité à la lutte du peuple coréen pour défendre la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et réaliser la réunification indépendante et pacifique de la patrie. À l'avenir aussi, nous serrerons la main à tous les pays qui nous traitent amicalement et nous nous efforcerons dynamiquement pour édifier un nouveau monde indépendant assurant la dignité et le bien-être au peuple.